Le 24 courant, le chef du département chargé des États-Unis du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a été interviewé par le chef de la succursale à Pyongyang de l'agence de presse AP des États-Unis en ce qui concerne la situation actuelle dans la péninsule coréenne et le problème des rapports coréo-américains. Répondant aux questions sur la situation actuelle dans la péninsule coréenne, il a condamné vertement les États-Unis qui lancent toujours en Corée du Sud les biens stratégiques, notamment le sous-marin nucléaire Mississippi et l'escadrille des bombardiers stratégiques B-52H pour livrer les exercices de première frappe nucléaire contre la République populaire démocratique de Corée et aggraver à l'extrême la situation dans la péninsule coréenne. Il a souligné la position de principe de notre République, obligée de prendre toujours des mesures de renforcer la dissuasion nucléaire autodéfensive, y compris les essais nucléaires et les lancements de missiles face à la menace d'agression croissante des États-Unis et des pays satellites. À propos du lancement expérimental de la roquette balistique stratégique sol-sol à moyenne et longue portée façon 10, il a dit que pour assurer fermement la sécurité de la patrie et du peuple contre la menace permanente des forces hostiles guidées par les États-Unis, nous devons nous aussi posséder des moyens d'attaque puissants capables de menacer en permanence les ennemis. À la question sur l'amélioration des rapports avec les États-Unis, il a fait remarquer que le respecté camarade Kim Jong-un a précisé au 7e congrès du Parti du Travail de Corée que les États-Unis sont tenus de voir correctement la position stratégique de notre République engagée au premier rang des puissances nucléaires et le courant de l'époque, d'abandonner leur anachronique politique d'hostilité envers la Corée, de remplacer l'accord d'armistice par un accord de paix et retirer leurs troupiers d'agression et leurs armements de la Corée du Sud. Il a déclaré que notre pays améliorera et normalisera les rapports avec les pays qui respectent notre souveraineté et nous traitent amicalement, quoi qu'ils étaient dans le passé dans les rapports antagonistes avec nous.